l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Yves Cochet, bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu, votre parcours est long, vous êtes allé du monde associatif au politique, vous avez été vraiment engagé dès votre plus jeune âge contre le nucléaire, contre tout un tas de choses et pour une société durable. Vous avez très tôt interpellé la société sur le besoin de décroissance, où en effet, quoi qu'on veuille dire, c'est quand même la seule issue si on veut avoir un avenir écologique normal, durable, vivable, pour une planète vivable pour les hommes. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes retiré de la politique en 2014 et que vous auriez pu couler une retraite tout à fait paisible. Mais non, vous continuez dans les engagements de manière bénévole, c'est vraiment tout à votre honneur. Et vous avez cofondé l'Institut Momentum, qui est un groupe de réflexion au sujet de l'imminence de l'effondrement de la civilisation industrielle et des moyens à mettre en œuvre pour tenter de réduire son ampleur. Alors Yves Cochet, je vais vous demander, puisqu'on est quand même là aussi pour faire de la pédagogie, pourquoi pensez-vous que l'effondrement de notre civilisation est inéluctable et est-ce que vous êtes sûr de son origine ? Alors oui, je pense en effet que la civilisation thermo-industrielle va bientôt se terminer, hélas, je le crains, par des dégâts bien sûr environnementaux, politiques, financiers et autres, mais aussi des dégâts humains. Bon, on pourra en parler, mais il faut en parler, disons, d'une voix tremblante, parce qu'on n'est sûr de rien, et puis c'est assez difficile à exprimer. Mais j'en suis sûr, parce qu'il y a d'une part tous les rapports les plus objectifs et les plus scientifiques de nos savants depuis maintenant 10, 20, 30 ans, que ce soit ceux du GIEC en ce qui concerne le climat, que ce soit les rapports du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qu'on appelle les GEO, Global Environmental Outlook, que ce soit ceux qui, des rapports par exemple du Stockholm Resilience Institute sur les limites de la planète, eh bien ces gens-là ne cessent de nous alerter en disant que malgré des bonnes volontés orales depuis une trentaine d'années, la réalité continue à être la destruction de la planète dans pratiquement tous les domaines. Et c'est bien ça le problème, c'est que ça n'est pas des pollutions ponctuelles, réversibles et qui sont limitées à un continent ou à un local. C'est sur toute la planète et pratiquement dans toutes les matières dont dépend la sustentation de la vie. Je veux parler de l'énergie, de l'alimentation, de l'air, de l'eau et autres. Et donc le fait que ça arrive dans tous les domaines, à l'échelle planétaire et en même temps, est un défi que, évidemment, l'humanité n'a jamais pu surmonter. Elle a eu des collapses et des effondrements de civilisations, les Mayas, l'Empire romain ou les habitants de l'île de Pâques, si vous voulez, mais que ça soit aussi global, simultané et universel n'est jamais arrivé. Et c'est donc ces rapports scientifiques qui me laissent entendre et qui me font croire que, alors est-ce que c'est dans 5 ans ou dans 15 ans, je n'en sais rien, mais c'est quand même très proche, c'est pas en 2050, ça sera franchement avant 2050, il y aura un effondrement comme une sorte de ligne de domino, c'est-à-dire que peut-être ça commencera par un effondrement financier comme en 2008, qui était peut-être un signe avant-coureur, et puis après, si le système financier entier systémiquement à l'échelon mondial s'effondre, eh bien, ça sera le système politique, le système des télécoms, le système agroalimentaire, le système de l'énergie. Et donc, ça peut s'effondrer, finalement, assez rapidement, disons, entre quelques mois et quelques années, ce qui, à l'échelle individuelle, n'est pas beaucoup, mais qui, à l'échelle globale et collective, sera, évidemment, un cataclysme qui n'a jamais été ressenti et pensé, même par l'humanité. Oui, parce qu'en fait, nous sommes un petit peu une civilisation, un colosse au pied d'argile. C'est-à-dire qu'on le sait déjà depuis longtemps, les villes ont très peu d'autonomie. Notre indépendance par rapport au pétrole, alors que l'on fait tout avec le pétrole, y compris notre nourriture, nous sommes très dépendants du pétrole. Une crise avec le Moyen-Orient n'est pas quelque chose de farfelu, par exemple, où des tensions peuvent s'exacerber très rapidement en cas de crise et nous plonger quand même dans une situation assez incroyable. Est-ce qu'il y a des prospectives qui sont faites de la rapidité, de ces effets dominos, justement? J'aimerais que les gens comprennent que les choses peuvent aller vite, parce que beaucoup disent que notre système est suffisamment complexe pour avoir une résilience assez longue avant que les choses ne s'effondrent vraiment autour de nous et que nos repères habituels ne s'effondrent. Alors, il y a énormément d'apprentis futurologues, de prospectivistes, voire de prophètes, qui essayent évidemment d'anticiper l'avenir à 5 ans, à 15 ans, 2050, 2100. Notamment, par exemple, les rapports du GIEC en ce qui concerne le dérèglement climatique. Ils essayent de se dire, si on continue comme ça, voilà ce qui va se passer. Si on infléchit d'une autre manière, ça peut se passer mieux, etc. Donc, il y en a énormément. Mais la question est de savoir quel est le bon scénario, quel est celui qui va vraiment advenir. Alors, la plupart du temps, on présente les choses en disant, chacun a des scénarios pour l'avenir. Il y en a qui sont plutôt optimistes. Par exemple, prenons l'exemple de la loi de la transition écologique et énergétique de Ségolène Royal, qui a été votée en 2015 par l'Assemblée nationale, et qui est une loi à horizon 2050. Donc, on disait, en 2050, la France devra avoir divisé par 4 ses émissions de gaz à effet de serre et divisé par 2 sa consommation d'énergie primaire. Donc ça, c'est une loi à long terme, on peut dire. Eh bien, c'est une loi extrêmement optimiste et je pense que ce qui est dans la loi n'arrivera jamais parce qu'ils se sont lourdement trompés sur certains points sur lesquels on pourra revenir, si vous voulez. Il y en a d'autres. Bon, il y a le GIEC qui lui présente plusieurs scénarios selon ce que choisissent les politiques publiques dans les différents gouvernements, les différents continents. Et puis, il y en a d'autres, comme moi, mais enfin, je ne suis pas le seul, bien entendu, qui sont plutôt des collapsologues, c'est-à-dire qui essayent, de manière, avec une approche plutôt scientifique, et avec des publications qui ne sont pas les nôtres, mais de laboratoire, de voir si cet effondrement, justement, n'est pas inéluctable. Donc, on pourrait dire, l'humanité futurologique se partage un peu en deux. Il y a les alarmistes qui disent, oui, on ne peut plus nier maintenant qu'il y a un dérèglement climatique, ou une perte de biodiversité, ou une pollution chimique. Mais on va pouvoir s'en sortir la plupart du temps, ce qu'on appelle la croissance verte. C'est plus de technologie, plus de croissance, plus de marché, plus de liberté pour les entreprises. Et vous allez voir, on va finir par s'en sortir comme on s'est toujours sorti de tout. Ça, c'est une sorte de raisonnement par induction qui est totalement faux en histoire. Enfin, ils croient à ça. Et il y en a d'autres, alors. C'est la seconde partie de l'humanité qui est évidemment très minoritaire, comme Pablo Servigne ou moi-même. Nous, on est collapsologues, c'est-à-dire qu'on se dit non, les choses sont maintenant tellement avancées, tellement irréversibles et tellement graves, qu'un certain type d'effondrement va arriver. Alors, est-ce qu'en 2100, il y aura encore une humanité civilisée? Car le fait qu'il puisse y avoir une barbarie dans 30 ans, c'est très probable. Mais le problème, c'est la civilisation. Si on perd Mozart et Descartes, on a beaucoup perdu. Et donc, est-ce qu'en 2100, il y aura encore nos petits-enfants qui pourront écouter Mozart et lire Descartes? Ça n'est pas sûr. Donc le problème, et apprendre à lire et être soigné en premier lieu. Bien sûr, apprendre à lire, à écrire, à compter, être soigné et tenir compte les uns des autres, c'est-à-dire le fait qu'on puisse vivre dans des communautés résilientes, bienveillantes et bienfaisantes, qu'on puisse avoir une vie, disons, qui ne soit pas une vie, je ne dirais pas de sauvage, mais une vie, disons, de barbare, eh bien ça, c'est très important. Et nous, on pense, enfin avec Pablo, de manière un peu différente que moi, que cet effondrement va avoir lieu, que ce n'est pas la pensée qu'il aura lieu, contrairement à ce que pensait Jean-Pierre Dupuis, qui avait écrit un très beau livre, voilà une quinzaine d'années, qui s'appelait « Pour un catastrophisme éclairé », où il disait, il tenait le raisonnement paradoxal suivant, « Oui, la catastrophe va avoir lieu, c'est certain. Et parce que c'est certain, tout le monde va y penser, donc on va l'éviter. » Une sorte de paradoxe. Moi, je n'y crois pas du tout. Je dis « Oui, la catastrophe va avoir lieu, c'est certain, et on ne pourra pas l'éviter. » Et du coup, il faudra quand même essayer de penser à une sorte de renaissance, de civilisation, après la catastrophe. Alors ça dépendra évidemment des modalités de cet effondrement, de cette catastrophe elle-même, que je ne peux pas connaître dans le détail. Bien entendu, je ne suis pas Nostradamus ou Madame Soleil. Enfin, dans les civilisations passées, on l'a vu, les effondrements sont les effondrements plus ou moins rapide de toutes les structures étatiques. On pense à la chute de l'Empire romain, même si c'est long. Et derrière, ce sont quand même des périodes très très longues. La Renaissance met beaucoup de temps et se passe souvent dans des conditions quand même assez, assez compliquées pour réajuster la société aux nouvelles données, à la nouvelle réalité, on va dire. Et là, quand même, la nature étant très affectée, ne pouvant plus nous rendre les mêmes services qu'elle pouvait rendre par le passé, il y a quand même des risques qui sont incroyables de misère, on va dire, de notre société, surtout la nôtre, hein, qui n'est pas habituée à vivre par elle-même, qui est délocalisée, qui n'est plus régionalisée. Les choses peuvent être très, très compliquées, non ? Oui, il faut abandonner certainement la vision historique